Les salutations. Salut. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Au revoir. À bientôt. À tout à l'heure. S'il vous plaît. S'il te plaît. Merci. De rien. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Excuse-moi. Pardonne-moi. Félicitations. Bonne chance. Monsieur. Madame. Mademoiselle.